Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought for love would be making one as lovely as she. Isn't she lovely? Mad from love, love. Isn't she pretty? Truly the angel best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Progress he given life to all. But isn't she lovely? Made from a lover. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Douceur. C'est de l'amour. C'est parti! Oh, c'est parti, mec! Elle est partie! La chanteuse, elle est séparée! Merde, on avait une belle chanteuse en plus! Elle s'est séparée, la chanteuse, parce qu'elle aimait pas cette chanson. Le fondant au chocolat nous a quittés. J'entends un aéroport. Isn't she lovely? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Oh non. Qui c'est qui a fait? Il y a Jean-Pierre François. Pourquoi sa caméra, ouais. Il a pas mis sa caméra, Jean-Pierre. Allez Jean-Pierre, montre-nous ta caméra. Bon, on arrête, hein. Ah oui. Ça fait 3 heures qu'on chante. C'est l'heure de la pizza. Ça suffit. Il y en a un qui joue. Il y a un Atari. Atari. Atari. Il y en a un qui joue à Atari. We're in a fate Chupa biba, chupa chupa ba, chupa chupa ba, chupa ba, chupa da da da da da da da da da da da da. Spit some pie. We're speaking about fine. When I whoop, ba, ma, ma, ma. We'll be right back. Ah, c'est les nouveaux accords. Les nouveaux accords. Ré. Ré. Ouais, moi je vais franchement. Non, Jean-Pierre, là, franchement, ça devient le bordel ce truc. Hein. Moi j'en ai marre. Au revoir. Au revoir. Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you.